franceinter.com. Le crime était signé, le coupable rapidement désigné, l'affaire était entendue, c'était Kadhafi. Un trublion international déjà responsable de tant de mauvais coups qu'on pouvait sans crainte lui attribuer ce nouveau forfait. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait consenti tardivement à indemniser les familles de ses victimes était bel et bien un aveu de culpabilité. Certes, c'était troublant. Mais pour autant, ce n'était peut-être pas l'entière vérité. C'est en tout cas ce que semble penser M. X, qui a commencé la semaine passée à rouvrir le dossier de l'attentat contre le DC-10 d'UTA en 1989. Un drame qui a provoqué la mort de 170 personnes. Bref, si dans cette affaire, la Libye n'est pas absolument innocente, bien au contraire, on s'est peut-être trompé de commanditaire. Je résume le propos de mon interlocuteur avant de lui donner à nouveau la parole. Immédiatement, après ce terrible attentat, les services secrets français ciblent un pays du Moyen-Orient, Syrie ou Iran. Le mode opératoire utilisé, une valise tapissée d'explosifs, porte en effet la signature d'un groupe terroriste, le FPLP, commandement général du syro-palestinien Ahmed Jibril. Un homme qui, à l'époque, s'est rapproché de l'Iran et de son pays d'adoption, la Syrie, et qui a été expulsé de la Libye où il s'était établi depuis de longues années. Cependant, la sécurité militaire congolaise, qui mène l'enquête de son côté, puisque l'appareil a décollé de Brazzaville, produit un témoin qui accuse les services libyens et en particulier son représentant sur place, Abdallah El Azraghe. Ce diplomate, membre des services spéciaux, aurait manipulé le porteur de la valise piégée, un certain Apollinaire Mangatani. Le magistrat instructeur français, le célèbre Jean-Louis Bruguière, accrédite aussitôt cette version. Il n'en démordra plus. Pourtant, un certain nombre de spécialistes de la guerre secrète font observer que la Libye, qui a longtemps été en conflit avec la France au sujet de ses prétentions territoriales au nord du Tchad, vient de faire la paix avec notre pays quelques jours seulement avant l'attentat. Kadhafi n'aurait donc plus de mobile pour frapper la France. Cela ne suffit pas à convaincre le magistrat. Bientôt, il va pouvoir faire état d'une nouvelle preuve mettant en cause la Libye. La suite avec Monsieur X. كل شغل مقران وريت سيدوري حلو ذي الصورة ويوغي صوران الجذر ويفذ تركو لهلك الكغذ مقران وريت سيدوري حلو ذي الصورة ويوغي صوران الجذر ويفذ تركو Avant d'évoquer la nouvelle preuve que va produire le juge Bruguière, une parenthèse, qui justifie l'acharnement du magistrat à accuser la Libye, un appareil de la compagnie UTA assurant le vol régulier UT-772... C'est celui qui a été frappé en 1989. Oui, oui, eh bien, ce même vol avait déjà été victime d'un attentat en 1984. Un DC-8 avait explosé sur le tarmac de l'aéroport de N'Djamena lors de son escale tchadienne. Et là encore, c'est une valise piégée qui avait été utilisée par les terroristes. Un bagage embarqué à l'escale précédente, Bangui, par un passager qui voyageait sous un faux nom, mais qui avait été ensuite identifié comme étant un agent libyen. Il y avait eu des morts, hein ? Non, seulement des blessés, car les passagers avaient eu le temps de descendre avant la destruction de l'avion. Oui, mais c'est vrai que ce précédent était troublant, même vol, même mode opératoire. Cependant, à l'époque, il faut le rappeler, les relations entre la France et la Libye étaient exécrables. Oui, à cause du différend territorial entre le Tchad et la Libye. Oui, hein. Paris ayant pris le parti du Tchad et s'étant même engagé militairement contre les forces libyennes. Ouais, ça s'appelait l'opération Épervier, je crois bien. Mais en 1989, alors, le contexte franco-libyen avait radicalement changé. Oui, un accord entre les deux pays avait même été signé fin août 1989. Donc on peut légitimement se demander pourquoi Kadhafi se serait attaqué à la France seulement quelques jours après la signature de cet accord. Même si le leader libyen ne nous a pas toujours habitués à avoir un comportement rationnel. Alors, bon, parlons maintenant de cette nouvelle preuve contre lui. Première observation intéressante. Cet indice est fourni par les Américains. Les Américains qui, vous me l'avez dit dans votre précédent entretien, surveillaient très attentivement la situation au Congo-Brazzaville. Oui, l'influence qui exerçait la Libye les inquiétait. Et ils pesaient de toutes leurs forces sur le président Sassou Nguesso afin qu'il se débarrasse des Libyens, ou tout le moins qu'il les éloigne. Et dans cette manœuvre, alors, le dirigeant congolais comptait sur le patron de la sécurité militaire, c'est ça, hein, soupçonné lui-même d'être un honorable correspondant de la CIA. Ce même patron, Patrice Ondélé, qui avait recueilli le témoignage du principal accusateur de Kadhafi, Bernard Yanga. Et nombreux étaient ceux qui doutaient de la sincérité de ce témoignage. Vous avez parfaitement résumé. Alors, cette nouvelle preuve fournie par les Américains. À l'origine, il y a un expert du FBI, un certain Tom Thurman. Cet agent spécial était devenu depuis 1980 un spécialiste des attentats perpétrés à l'aide d'explosifs. Et assez naturellement, il s'était en particulier occupé d'analyser les morceaux d'épave du Boeing de Lockerbie. Un appareil qui a explosé au-dessus de l'Écosse fin 1988. Et la responsabilité, là aussi, a été attribuée à la Libye. Ouais, oui, mais vous n'y avez vraiment jamais cru. Oui, hein. Je vous fais remarquer qu'une récente déclaration d'un agent iranien opérant à Téhéran pour la CIA a attribué l'attentat à l'Iran. Enfin, revenons à Thurman. Il a découvert au milieu des débris du Boeing un morceau de minuteur, un fragment de circuit imprimé appartenant à un lot commandé par Tripoli à une entreprise suisse. Et comment a-t-il pu identifier sa provenance? Il portait une mention écrite. Mais le propriétaire de cette société suisse a ensuite démenti que ce minuscule morceau est appartenu à un appareil fabriqué chez lui. Et il y aura même le soupçon, enfin nous en avons parlé ici même, que ce fragment ait été sciemment introduit parmi les preuves à conviction par un enquêteur. Ce qui peut mettre à mal les accusations contre les agents libyens qui ont été reconnus coupables. Ouais. Et ce Thurman aurait joué un rôle dans cette éventuelle manipulation? Je n'en sais rien. Dans une précédente affaire, il a été convaincu d'avoir fabriqué des preuves. Un personnage un peu douteux, donc. Et qui finira par être suspendu par le FBI en 1997. Mais revenons quelques années en arrière. Au moment où Thurman va apporter sa preuve au juge Bruguière. En examinant des photographies des débris de l'épave du DC-10, l'agent du FBI a en effet repéré un tout petit morceau de circuit imprimé portant la marque TY, le logo d'une firme électronique de Taïwan. Naturellement, Thurman a remonté la filière. Oui, en cherchant à qui avait pu être vendu ce matériel. Et il a ainsi découvert que 20 000 de ces minuteurs avaient été vendus en Allemagne. Nouvelle enquête auprès de ce client, et il apprend qu'un Libyen avait passé commande en 1989 d'une centaine de ces appareils. Pour quel usage, hein? L'éclairage des pistes d'aviation dans le désert. Mais pour Thurman, c'est un mensonge. Ouais, pour lui, en réalité, c'est pour équiper des machines infernales. C'est la conclusion de Thurman. Conclusion qu'il communique aussitôt au magistrat français chargé de l'enquête. Et j'imagine que Bruguière doit être ravi de voir la piste libyenne ainsi confirmée. Hein. Toutefois, les policiers qui travaillent pour lui sont beaucoup plus prudents et même dubitatifs. Car au bout de leurs investigations menées tant à Taïwan qu'en Allemagne, ils affirment que rien ne permet de dire que le bout de minuteur faisait partie du lot acheté par le Libyen. Pas de preuve formelle, donc. Mais le magistrat n'est nullement ébranlé et en tient toujours pour la piste libyenne. Cependant, les policiers français n'en restent pas là. Ouais, expliquez, là. En France, nous avons aussi d'excellents experts scientifiques, en particulier au laboratoire de la préfecture de police de Paris, où officie alors un grand spécialiste, Claude Calisti. Ouais, c'est un homme que j'ai rencontré, là, et qui faisait effectivement autorité en matière d'incendie et d'explosifs. Hein. Calisti obtient que le fragment de minuteur, timer en anglais, lui soit remis pour expertise. Et pas une photographie, donc, comme celle qui a été analysée par Thurman. C'est ça. Donc Calisti soumet ce morceau de circuit imprimé, pas plus gros qu'une rainure d'ongle, à une série d'examens scientifiques. Et il n'y découvre pas même une molécule d'explosif. Or, si ce fragment a réellement fait partie du minuteur qui a déclenché l'explosion, bah, il devrait porter obligatoirement des traces d'explosifs. Mais ce n'est pas tout. Claude Calisti connaît bien la technique utilisée par Abou Ibrahim pour fabriquer ses valises piégées. Et il affirme que les minuteurs de TY sont trop gros pour avoir pu être intégrés dans ce système sophistiqué. Alors, conclusion, ce morceau de circuit imprimé n'a aucun rapport avec le retardateur qui a provoqué l'explosion du peintrite contenu dans la valise. Exactement. Mmh. Enfin, et cela ne figure pas dans le rapport de l'expert du labo de la préfecture de police, il est frappant de constater que les deux morceaux de circuit imprimé retrouvés, l'un à Lockerbie, l'autre dans le Ténéré, portaient des inscriptions écrites. Ouais, des petits morceaux, là, comme si on avait voulu faciliter leur identification. Ah bah c'est ce que je me suis dit, mais peut-être ai-je mauvais esprit. Ouais. Je reviens quand même de tout cela qu'il y a une volonté américaine de peser sur l'enquête. Certainement. Et encore, vous ai-je épargné d'autres initiatives venant de la CIA ou de personnages qui lui étaient très liés, initiatives douteuses qui avaient toutes pour objectif d'incriminer la Libye. Mais il ne faut pas s'en étonner, les États-Unis du président George Bush Senior, mais aussi la Grande-Bretagne de John Major, voulaient absolument entraîner la France dans une croisade anti-Kadhafi. Mmh, un peu comme ce qui venait de se passer lors de la guerre du Golfe contre Saddam Hussein. Hein. Non, non, il n'était pas encore question d'une intervention militaire, mais simplement de mettre la Libye au banc des nations et d'intensifier les sanctions internationales qui s'exerçaient déjà contre elle. Et notez-le bien, Paris votera la mesure d'embargo prise à l'encontre de la Libye. Une décision qui, à mon avis, n'est pas étrangère aux premières conclusions de l'enquête du juge Bruguière. Une enquête qui, vous l'avez compris, vise exclusivement à mettre en accusation le régime de Kadhafi. Oui. Mais le magistrat peut-il encore découvrir d'autres éléments qui accablent la Libye? Bah, il va essayer, en tout cas. Et il croit pouvoir accéder à une preuve irréfutable lorsqu'il apprend que les services spéciaux libyens sont en possession de deux valises piégées qui serait en tout point semblable à celle qui a détruit le DC-10 français. Rendez-vous avec X. Le journaliste Pierre Péan a consacré deux livres à cette affaire. une contre-enquête minutieuse. Voici par exemple ce que je lis dans son deuxième ouvrage « Manipulations africaines ». Le journaliste y évoque les travaux de l'expert de la préfecture de police de Paris. Callisti a fait examiner à la loupe tous les débris du scellé numéro 4 pour essayer de retrouver un autre bout de circuit imprimé sur lequel on pourrait voir l'effet de souffle. Ces très importantes recherches demeurèrent, elles aussi, infructueuses. Sherman a tenté aussi de convaincre Callisti que deux fils conducteurs trouvés également dans les débris ramassés dans le désert du Ténéré avaient pu servir à faire exploser la valise piégée. Deux fils qui, comme le fameux fragment de timer, ne portaient aucune trace d'explosif. Malgré les contestations conjointes de la 6e DCPJ, de la DST, du laboratoire de la PP, la préfecture de police, le juge Bruguière a préféré croire Tom Sherman, le spécialiste de la fabrication de preuves. Le livre de Péan a été publié par Fayard. D'où vient cette information là sur ces valises piégées qui seraient en possession des Libyens ? Elle est fournie par un personnage dont on a beaucoup parlé assez récemment, le général Rondeau. Ah, le super espion mêlé malgré lui à l'affaire Clairstream. Lui-même, Rondeau, qui a travaillé alternativement pour la DST et la DGSE, nos deux services secrets. Ce qui est exceptionnel. En effet. Rondeau, donc, a toujours entretenu d'excellents rapports avec le monde islamique qu'il connaît parfaitement. En 1991, alors qu'il est conseiller en matière de renseignement au cabinet du ministre de la Défense, Pierre Joxe, il se rend à Tripoli et il y rencontre le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senoussi. Le responsable des services secrets libyens. Oui. Dans les cercles dirigeants, on est alors très préoccupé par la tournure que prend l'enquête sur l'attentat du DC-10. Et Senoussi, de façon tout à fait inattendue, confie au général que ses services ont saisi deux valises piégées. Mais dans quelles conditions alors ? D'après Senoussi, elles ont été trouvées chez des membres d'un réseau d'opposants soutenus par les Américains qui voulaient perpétrer des attentats en Libye. Ouais, mais pourquoi cette confidence là ? Senoussi veut prouver sa bonne foi. Ah ouais, alors voyez, nous n'avons rien à cacher. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Mais c'est aussi extrêmement dangereux. C'est même une imprudence. Et le juge Bruguière ne va pas s'y tromper. Dès qu'il sera mis au courant, il parlera d'une manœuvre libyenne. Il ne croira donc pas un seul instant à la bonne foi de Senoussi. Et au contraire, il affirmera que la possession par la Libye de ces deux valises est une preuve supplémentaire de l'implication des services de Kadhafi dans l'attentat du DC-10. Pardonnez-moi là, mais on ne peut pas lui donner tout à fait tort. Et à partir de là, Bruguière ne va avoir de cesse d'essayer de récupérer ses bagages piégés. Ce sera l'objet de son équipée navale dans les eaux libyennes. Une aventure qui lui vaudra plus tard son surnom d'amiral. Amiral, un sobriquet irrévérencieux, mais rappelez-moi... Le magistrat obtient en septembre 1992 l'autorisation de se rendre en Libye afin d'examiner les deux valises. Et sans doute pour donner plus de poids à sa démarche, il exige de faire le déplacement à bord d'une frégate française. Un bâtiment militaire. Oui, mais les autorités libyennes, irritées, lui refusent l'entrée dans leurs eaux territoriales. Une affaire un peu ridicule, non ? Je suis d'accord. Et Bruguière parviendra-t-il quand même à récupérer ses valises ? Oui, en septembre 1995. Un peu plus tard, oui. Le juge d'instruction se rend en Libye et repart avec l'un de ses bagages piégés. Là, il est satisfait. Certes, mais lorsqu'il rédigera son acte d'accusation contre les 6 Libyens qui, selon lui, sont coupables d'avoir perpétré l'attentat du DC-10, il omettra un détail important. Ce détail important, c'est quoi ? Le système de mise à feu de la valise rapportée de Libye ne correspond en aucune façon au dispositif qui, d'après le FBI et le fameux Sherman, aurait été utilisé lors de l'attentat. Donc, s'il avait fait mention de cette expertise, il démolissait par là même la preuve que lui avaient fournie les Américains. Vous avez tout compris. Par conséquent, l'accusation ne repose en vérité que sur le témoignage de ce Bernard Yanga. C'est mince. En réalité, il n'existe qu'un faisceau de présomption contre la Libye. Mais le magistrat n'est pas décidé à arrêter sa partie de bras de fer avec les autorités de Tripoli. Oh, certes, il a obtenu sa valise, mais il veut surtout que Kadhafi accepte d'extrader 6 de ses concitoyens qui sont, aux yeux du juge, les organisateurs de l'attentat. Dont ce diplomate qui était en place à Brazzaville, Abdallah El-Azraq. Mais aussi le chef des services secrets, c'est Nussi. Le beau-frère du leader libyen. Autant dire que Kadhafi n'acceptera jamais. Et à Paris, du côté du pouvoir, on commence à penser que l'enquête traîne. Car pendant ce temps-là, les affaires attendent. Et les affaires... Y a du pétrole en Libye. Et puis, Kadhafi n'a jamais été chiche dès lors qu'il s'agissait d'acheter des armes. D'ailleurs, le dictateur libyen voudrait lui aussi en finir au plus tôt. À cause de l'embargo qui frappe son pays. Naturellement. Et en 1996, il écrit au président Chirac. S'il le faut, il veut bien que les 6 Libyens désignés par le juge d'instruction soient reconnus coupables. À condition qu'ils ne soient pas extradés et surtout que l'appareil d'État ne soit pas mis en cause. Il est même prêt à payer des dommages et intérêts aux familles des victimes. Oui, mais ça, c'est quand même un aveu de culpabilité. Je suis d'accord. C'est toute l'ambiguïté de l'attitude libyenne dans cette affaire. Pourquoi payer si on prétend être innocent? Mais Kadhafi veut tellement réintégrer le concert des nations, comme on dit, qu'il préfère dédommager. Et puis, cette reconnaissance implicite de culpabilité signifie aussi que la Libye se sent malgré tout une part de responsabilité. Mais je vous propose de voir cela plus précisément dans un instant. Auparavant, voyons les suites judiciaires de l'affaire. En mars 1999, la Cour d'assises spéciale de Paris juge les 6 Libyens en leur absence. Et ils sont tous condamnés. Par contumace, donc. Et ils écopent tous les 6 d'une peine de détention à perpétuité. Le juge Bruguière a donc formellement gagné. C'est exact. Et il faut le noter, un mois plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU suspend les sanctions contre la Libye. Ah ben ça n'a pas tardé. En effet. Et les affaires peuvent reprendre. C'était bien l'essentiel, non? Alors reste quand même la question des dommages et intérêts dus aux familles. C'est vrai. Et le jugement de la Cour d'assises est assorti d'une condamnation à verser des indemnités. 32 millions d'euros pour la totalité des 500 et quelques ayants droit, ce qui provoque la fureur de ces familles. Non seulement les coupables échappent à la justice, puisqu'ils ne sont pas emprisonnés, mais ce dédommagement leur paraît dérisoire. Surtout quand on le compare aux sommes que Kadhafi consent à payer aux familles américaines des victimes de l'attentat de Lockerbie. Ouais, ça veut dire qu'une victime américaine vaut plus cher qu'une victime française. C'est malheureusement ce qui apparaît. Il s'ensuit une bataille judiciaire qui va durer de longues années. Enfin, je vous passe les détails. Finalement, en juin 2006, un accord sera trouvé entre les familles et les autorités libyennes sur la base du paiement d'1 million d'euros par victime. Cependant, en acceptant ce dédommagement, les familles ont dû aussi renoncer à toute poursuite ultérieure contre la Libye. Et donc contre Kadhafi lui-même. Bien entendu. Ouais. Donc, alors fin de l'aspect purement judiciaire de l'affaire. Mais pour autant, ce n'est pas la fin des questions. Car l'interrogation principale, quel était le mobile de la Libye ? Subsiste. Et personne n'y a apporté de réponse satisfaisante. Je peux même vous assurer que dans les services de renseignement, on continue à se poser la question, même si on ne le crie pas sur les toits. Ouais, on doute, mais en silence. Oui, c'est à peu près ça. Alors, afin d'aller plus loin, une fois n'est pas coutume, je me suis d'abord référé aux travaux d'investigation de votre confrère, Pierre Péan. Après le procès, il a en effet poursuivi son enquête. Et ça l'a conduit au Congo-Brazzaville, où il a pu rencontrer un témoin très intéressant. Qui ? Un certain Jean Bosco Ngalina, un ami commun de Bernard Yanga. Bernard Yanga, il faut le préciser, c'est le témoin clé du juge Bruguière. Et aussi d'Apollinaire Mangatani, le Zaïrois qui a, selon toute évidence, introduit la valise piégée dans le DC-10. Oui, son bagage. Oui. Ce Ngalina est donc en mesure de fournir des renseignements importants ? Et d'emblée, cet homme qui avait trouvé opportun de passer de l'autre côté du fleuve Congo après l'attentat, confie à Péan que lui et ses 2 amis, tous 3 membres de cette organisation révolutionnaire zaïroise, le CDRZ, que j'ai évoqué la semaine passée, étaient étroitement liés aux représentants libyens présents au Congo-Brazzaville. Ouais, ce diplomate-là, El-Azraq. Et un autre homme, un nommé Souleyman, qui tenait une quincaillerie. Un homme moins surveillé que El-Azraq. Ça va plutôt dans le sens des accusations portées par Bruguière contre la Libye. D'autant que Ngalina affirme qu'il a commis plusieurs attentats terroristes à l'instigation de ces mêmes Libyens. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Avant d'entendre la dernière partie de cet entretien avec Monsieur X, un mot sur la personnalité du juge Bruguière, qui a joué un rôle si éminent dans son dossier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les opinions à son sujet sont très partagées. Ainsi, sous la signature du directeur du magazine Le Point, on lit ceci. Bruguière est l'un des derniers chevaliers servants de cette vieille dame indigne que devient notre démocratie. Un soldat de justice. Ce n'est pas un frétillant, un cabot, dans le goût de l'époque. Il n'a pas de sponsor, rien à vendre, ni à publiciser, sinon une certaine idée du droit qui fait l'honneur des nations civilisées. Je reconnais que ce n'est pas là, de nos jours, le bon profil pour être hissé sur les pavois de la faveur publique. Raison de plus pour l'y mettre. Par contre, dans le monde diplomatique, Pierre Péan, dont M. X vient de parler, peut écrire ceci. Ses méthodes, souvent perçues comme expéditives, en font un juge particulier. Il distribue avec facilité les commissions rogatoires, multiplie les interrogatoires, les interpellations, les gardes à vue et les provocations politiques. Des affaires qui avaient fait la une des journaux et donnaient l'impression d'être déjà jugées se sont révélées vides ou mal ficelées. En janvier 1999, la chambre d'accusation a accordé un non-lieu à Carlos pour l'attentat du drugstore Saint-Germain-des-Prés en 1994. Le jugement du tribunal correctionnel sur l'immense réseau du Chalabi, avec ses 173 islamistes que le juge avait raflés en grande pompe en connivence avec Jean-Louis Debré, s'est révélé un terrible camouflet. 34 d'entre eux ont bénéficié d'un non-lieu. Et sur les 138 prévenus jugés dans un gymnase de Fleury-Mérogis, 51 ont été purement et simplement relaxés après avoir purgé de nombreux mois de détention préventive. Galina, qui a donc reconnu avoir eu des activités terroristes en liaison avec les agents libyens, va encore plus loin. Il affirme qu'en mai 1989, El Azraq a demandé à Mangatani de venir en aide à deux Libanais qui viennent d'arriver à Brazzaville. Et effectivement, Mangatani et Galina prennent contact avec ces deux hommes qui s'avèrent être en réalité des Palestiniens. Aider, là, ça veut dire quoi? Ni Mangatani ni Galina n'arrivent vraiment à le découvrir. Mais il devine néanmoins que ces deux mystérieux Palestiniens préparent quelque chose. Ils apprennent quand même qu'ils fréquentent un commerçant qui appartient au Hezbollah libanais. Au Hezbollah libanais, à Brazzaville? Oui, mais enfin ne vous étonnez pas, je vous ai dit que le Congo-Brazzaville de l'époque était alors un vrai vivier de révolutionnaires de tout acabit. En outre, il existait dans la capitale congolaise une importante communauté chiite. En tout cas, les deux Palestiniens repartent. Mais dès le mois d'août, ils sont de retour. Et l'attentat aura lieu en septembre. Ces deux individus renouent avec Mangatani. Une précision d'abord. Péan a dû questionner Ngalina à plusieurs reprises avant d'obtenir ses confidences. Et il a compris que l'homme ne voulait pas accabler son ami Mangatani. Mais peu importe, voici ce que le journaliste finit par apprendre. Les deux Palestiniens ont demandé à ce Mangatani d'effectuer un voyage à Paris et lui ont offert le prix du billet d'avion. Ils ont aussi vraisemblablement ajouté une somme substantielle. Et le 18 septembre, ils lui ont confié une valise à transporter. La valise piégée? Oui. Et effectivement, le 19, Ngalina rencontre son ami qui se dirige vers l'aéroport avec la valise. Mangatani lui affirme alors qu'il se rend à Paris afin d'acheter une chambre froide pour la société de congélation qu'il veut monter. Un prétexte? C'est ce qui apparaît après coup. Reste à savoir si le Zaïrois était informé du caractère très particulier de cette valise. Ouais. Le tapissage en peintrite, en explosif de sa coque. Et la présence invisible aussi d'un minuteur. Mais j'incline à penser qu'il était au courant et qu'il a débarqué à l'escale de N'Djamena. Mais ensuite il a disparu. Il est probable qu'il a été éliminé. En tout cas, bon, si ce Ngaïna a dit la vérité, là, c'est en parfaite contradiction avec la version Bruguière qui a toujours soutenu que c'était directement les Libyens qui avaient donné la valise piégée à Mangatani. Tout à fait. Capitaine Gallina a ajouté que son autre ami, Bernard Yanga, a menti lorsqu'il a fait sa déposition à la sécurité militaire. Bon, c'est quand même version contre version. Et pourquoi accréditer le témoignage de Gallina plutôt que celui de Yanga? Je vous l'accorde. Mais je vais vous expliquer pourquoi, malgré tout. La version de Gallina a ma préférence. D'abord, elle explique parfaitement le comportement des Libyens dans cette affaire et ce que j'appelais tout à l'heure l'ambiguïté de leur position. Ouais, pourquoi payer si on est innocent? Voilà. Mais grâce à Ngalina, on comprend. C'est un agent libyen qui a mis en contact les deux Palestiniens avec celui qui va être l'artisan de l'attentat, Mangatani. Donc la responsabilité de la Libye est directement engagée. Effectivement. Et ce premier contact a eu lieu à un moment où la Libye et la France étaient toujours en conflit. L'accord sur le Tchad n'avait pas encore été signé. Oui, il ne le sera qu'à la fin du mois d'août 1989. Par conséquent, on peut imaginer que les Libyens étaient partie prenante dans la préparation de l'attentat, mais qu'ils s'en sont retirés après la signature de cet accord avec Paris. Dans ce cas-là, pourquoi n'aurait-il pas prévenu la France ou bien même pourquoi n'aurait-il pas empêché cet attentat qui risquait de leur être imputé? Vos deux questions sont pertinentes. Et rien ne dit qu'ils n'ont pas indirectement informé Paris. Il y a eu en effet des avertissements qui ont été adressés à la France. C'est un point sur lequel je reviendrai. Le deuxième aspect intéressant du témoignage de Ngalina, c'est qu'il montre du doigt des gens, ces deux Palestiniens, appartenant à une mouvance qui avait un puissant mobile pour perpétrer un attentat contre la France. Le Hezbollah libanais. Et donc, derrière cette organisation, l'Iran, qui la finance et lui fournit des armes depuis sa création. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Nos services de renseignement, à cause du mode opératoire employé, ont tout de suite soupçonné le FPLP, commandement général d'Ahmed Djibril. Or, ce groupe terroriste s'était rapproché du Hezbollah. Et puis n'oubliez pas cette revendication qu'on a trop vite mise de côté. Le djihad islamique, hein, c'est ça. C'est l'un des faux-nés du Hezbollah. C'est même ce djihad islamique qui a enlevé et détenu les otages français au Liban dans les années 80. Et nous savions depuis longtemps que c'était l'Iran qui avait ordonné ces prises d'otages afin de faire pression sur Paris. Et obtenir le règlement du contentieux qui l'opposait à la France. Hein. Alors en deux mots, je vous rappelle ce qu'était exactement ce contentieux. Il y avait d'abord, toujours pendante, la question du Rodif. C'est-à-dire cette importante somme d'argent qui avait été donnée à la France du temps du Shah dans le cadre de la coopération nucléaire. Ah, et la France s'était ensuite refusée à poursuivre cette collaboration avec le régime des Ayatollahs. Ah, ceux-ci réclamaient donc à corps et à cri le remboursement. Mais la France traînait des pieds. Conséquence, les Iraniens s'étaient vengés en commettant de terribles attentats à Paris au cours de l'année 1986. Et la police avait réussi à arrêter les terroristes qui prenaient directement leurs ordres à Téhéran. Hein. Parfaitement. Et les prises d'otages répondaient au même mobile, faire céder la France. Mais se mêle aussi une autre revendication iranienne. Les ayatollahs voulaient absolument récupérer Anis Nakash, le chef du commando iranien arrêté à Paris après la première tentative d'assassinat de l'ex-premier ministre iranien Shapour Bakhtiar en 1980. Nakash qui a été condamné à une lourde peine de prison. Hein. Et les Iraniens semblaient attacher une importance quasi démesurée à sa remise en liberté. C'est si vrai que ce point avait fait partie de la négociation entreprise au sujet de nos otages au Liban. Je devrais plutôt dire les négociations, car de nombreux intermédiaires sont intervenus. Et sans forcément se consulter les uns les autres. Et même parfois en se mettant des bâtons dans les roues. Oui. N'oubliez pas que ces négociations se déroulent pendant la période de la première cohabitation de 1986 à 1988. Et l'équipe Chirac veut tirer un bénéfice politique de la libération des otages. Cette libération interviendra d'ailleurs juste avant l'élection présidentielle qui oppose Mitterrand et Chirac. Alors, il est presque certain que les hommes de Chirac, et je pense surtout à Pasqua et à son homme lige Jean-Charles Marchiani, ont été tentés de faire de la surenchère. Ils ont fait des promesses aux ravisseurs qu'ils ont été incapables de tenir puisque c'est Mitterrand qui a été élu. Vous le savez bien, au Moyen-Orient, on est très chatouilleux dans ce domaine. Une parole est une parole. Et la libération de Nakash, qui ne pouvait être octroyée que par une grâce présidentielle, n'a donc pu être acquise. À cela s'ajoute le fait qu'un autre intermédiaire a non seulement été écarté au dernier moment, mais qui n'a jamais reçu en paiement l'importante somme d'argent qu'il estimait devoir recevoir pour ses services. Oui, vous évoquez là ce cheikh établi à Dakar, qui était le chef de la communauté chiite du Sénégal. Oui, le cheikh Zayn, un homme influent qui avait directement pris langue avec les dirigeants du Hezbollah. Et alors, lui s'est estimé floué? Ah bah bien entendu, tout comme les ravisseurs qui ont eu l'impression d'avoir été trompés. Alors, on ne peut pas s'empêcher d'observer que 24 heures avant l'attentat contre les décédistes, un journal libanais, Achira a publié un article d'un journaliste très bien informé. Hassan Sabra, proche du Hezbollah, est l'homme qui a révélé le scandale de l'Iran Gate. Et cette fois, il affirme qu'il a reçu une lettre des ravisseurs de nos anciens otages, lettre dans laquelle ils se plaignent que la France n'ait pas tenu ses promesses. C'est en effet ça très troublant. Hein. Alors, je vous avais dit que des informations assez précises avaient précédé l'attentat. D'après mes sources, elles seraient le fait de deux inspecteurs de notre contre-espionnage, la DST. Ces deux modestes policiers qui avaient réussi l'exploit de permettre la découverte du réseau iranien qui avait ensanglanté Paris en 1986. Ouais. Et pour arriver à ce résultat, ils avaient manipulé un Tunisien qui leur avait servi de taupe. C'est ça. Mmh. Eh bien, ces deux inspecteurs avaient continué à s'intéresser aux agissements des agents iraniens. Or, au début septembre 1989, ils apprennent, par l'un de leurs contacts dans les services allemands, qu'un Iranien les a avertis de l'imminence d'un attentat contre un avion français. Et ils pensent aussitôt que cet Iranien est l'une de leurs connaissances, un marchand d'armes un peu louche, Manoucher Ghorbanifar. Un homme dont on a aussi parlé lors de l'Iran Gate. Oui, hein. Oui, ils contactent donc ce trafiquant, et sans difficulté, il leur confirme l'information. Il sait même que la décision de commettre cet attentat résulte d'une rivalité à l'intérieur des institutions iraniennes. Et j'imagine qu'ils préviennent aussitôt leur hiérarchie, là, ces deux policiers. Oui, oui, il semble bien que cette information n'ait pas été prise au sérieux ou qu'elle se soit perdue quelque part. Bah, après tout, aux États-Unis aussi, des tuyaux très sérieux auraient pu empêcher les attentats du 11 septembre. Dernière information, mais cela ne vous étonnera sûrement pas, deux des hommes qui ont préparé l'attentat sur place à Brazzaville ont péri de morts violentes quelque temps après leur retour au Liban. C'est pourquoi aussi je pense que Mangatani, s'il n'est pas mort dans l'explosion du DC-10, n'a pas dû faire de vieux os. Confirmation des derniers propos de M. X, Guillaume Dasquier. Dans un article de Charlie Hebdo de décembre 2009, évoque un travail universitaire récent sur les relations franco-iraniennes. Il en extrait ce passage. Une quinzaine de jours avant l'attentat, la DST a appris via un honorable correspondant iranien que l'Iran s'apprêtait à commettre un attentat contre un avion français en Afrique. Cet Iranien n'est autre que Manoucher Ghorbanifar, un vendeur d'armes toujours en activité. La veille de l'attentat, il prévient les services de sécurité allemands et français qu'un attentat est en préparation. Il explique que c'est directement lié aux promesses non tenues par les autorités françaises sur la libération d'Anis Nakache. Et le journaliste ajoute que d'anciens fonctionnaires de la DST, contactés dans le cadre de cet article, lui ont confirmé cette version des faits. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et communiquer, si vous le voulez bien, avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission et merci à Valérie Ayestaraï, Michel Billou et Monsieur Joub. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.